Alors, comment ça s'est passé? C'était une soirée à mourir d'ennui. Finalement, c'est très bien que tu ne sois pas venu. C'est dommage que ça se soit mal passé. C'était nul. Je regrette surtout que Jérôme n'ait pas été là parce que lui, il sait animer une soirée. D'ailleurs, c'est curieux qu'il n'ait pas été invité. Je suis désolée que tu aies passé une mauvaise soirée, mon chéri. Oh, c'est pas grave. Je suis très content que tu sois resté tranquillement à la maison. Tranquillement? Tu sais, ta mère a téléphoné. Et bien sûr, elle a trouvé très bizarre que tu sois allé seule à la soirée. Tu vois tout de suite la conversation. C'est étrange qu'elle ait téléphoné précisément le seul unique jour où nous ne sommes pas sortis ensemble. Ouais, et cela m'étonnerait que je l'ai convaincue que tout allait bien. Oh, je suis désolé que tu aies dû avoir ce genre de discussion avec elle.